AKS, Valdoise, CERJY. J'suis marocain, j'étais marocain de toi. J'parle plus de requin, gros requin. Face au requin, quoi. Un petit un joint, y'a que le marocain que j'te fais nettoie. Ça veut copier les américains, mais quand y'a les keufs, ça quoi. J'ai moi, ça fait des drive-by. Pour pêcher, c'est le mic drive. Faut faire gaffe au mic chicken. Moi, j'kick le mic grave, tellement bien, tu crois que j'te gay. Mais c'est pas grave, t'as qu'à devenir un trap. Tu fais niquer même pas Mickey. Mon rap t'agresse d'entrée, comme un pit face à une tasse cambrée. J'suis plus cambriolé, les sons par les volets. Prêt à tout pour le billet violé. Même si ton pareil, j'dois violer. Va mettre des parisines, langage formé. Il est bien bousillé. J'te jure, j'ai essayé d'être honnête. J'ai arrêté de vendre des barrettes et j'me suis mis à tirer des palettes. Mais en 2007, les coups de rein, c'est plus les mecs. Mais les meufs qui les mettent, wesh les mecs. On vit dans un autre monde, genre Star Trek. Les mecs conduisent des vaisseaux spatiales. Sur le bras, j'm'en ont tiré un trait. Même si tu rap de test, lève le poing en l'air. Tu sens puissant que monte en l'air comme une hôtesse de l'air. C'est pour les frères connaissent plus l'herbe que le vocabulaire. Vas-y, balance un verre de travers ou démonte les molaires. MC du rap de test, lève le poing en l'air. Un son puissant que monte en l'air comme une hôtesse de l'air. C'est pour les frères connaissent plus l'herbe que le vocabulaire. Vas-y, balance un verre de travers ou démonte les molaires. C'est l'arme du crime. Donc évite un mot criminel. Tellement poche dans ce que je fais. J'crie mes textes à l'opinel. Mon son, c'est Bernier qui distribue des coups de pelle. J'te mets des coups de bide, en guise de coups de pouce, j'deviens tout pâle. C'est pour mes sarabs, mes blacks et mes toubabs. Ceux qui veulent des plaques, des tasses, des cocktails, des baobabs. J'mets les nerfs parce que j'écris les rimes du millénaire. Décime les molaires, des MC modernes provoquent le mal de mer. Ici on coule, mais coûte que coûte, faut écouler. Restez cool, c'est pas possible, y'a trop de frères écroués. La vie une plaie de bâtard mal recousu cousin. La France une grosse gare, c'est le recrate, sous comme son vagin. J'ai la technique de Zinedine, la cruauté de mes délines. Mais j'ai la haine qui vise dans le Miloka où y'aurait une tuile. J'ai vu des petites putes faire ken à la suite de la plein gré. Comme j't'ai déjà dit, j'ai eu la haine en guise d'engrais. La rage ancrée en temps de crise, on croque tout cru. L'arme du crime efficace, crouée, hop, tu l'as dans le cul. Val toi.